À l'occasion du décès de Madame Du Myon, membre de l'Assemblée populaire suprême de la République populaire démocratique de Corée, députée à l'Assemblée populaire suprême et présidente du comité central du parti chandoïste Tsongo, des cadres des organismes du parti et du pouvoir, des organisations sociales, des ministères et établissements centraux, ainsi que des travailleurs, ont formulé le 24 courant leurs condoléances devant sa dépouille.